Jérémie chapitre 48. Quant à Moab, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, malheur à Nebo, car elle a été saccagée, Kirjat-Tajim a été rendue honteuse et a été prise, la haute retraite a été rendue honteuse et effrayée. Moab ne se glorifiera plus d'Asbon, car on a machiné du mal contre elle, en disant, venez, et exterminons-la, et qu'elle ne soit plus nation. Toi aussi, maintenant, tu seras détruite, et l'épée te poursuivra. Il y a un bruit de cri de vers Oronagim, pillage et une grande défaite. Moab est brisé, on a fait ouïr le cri de ses petits-enfants. Pleurs sur pleurs monteront par la montée de Luit, car on entendra dans la descente d'Oronagim, ceux qui crieront à cause des plaies, que les ennemis leur auront faites. Fuyez, dira-t-on, sauvez vos vies, et vous serez comme de la bruyère dans un désert. Car, parce que tu as eu confiance en tes ouvrages, et en tes trésors, tu seras prise, et Shemo sortira pour être transporté, avec ses sacrificateurs et ses principaux. Et celui qui fait le dégât entrera dans toutes les villes, et pas une ville n'échappera, la vallée périra, et le plat pays sera détruit, suivant ce que l'Éternel a dit. Donnez des ailes à Moab, car certainement il s'envolera, et ses villes seront réduites en désolation, sans qu'il y ait personne qui y habite. Maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement, et maudit soit celui qui gardera son épée de répandre le sang. Moab a été à son aise depuis sa jeunesse, il a reposé sur sa lie, il n'a point été vidé de vaisseau en vaisseau, et n'a point été transporté, c'est pourquoi sa saveur lui est toujours demeurée, et son odeur ne s'est point changée. Mais voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je lui enverrai des gens qui l'enlèveront, qui lideront ses vaisseaux, et qui mettront ses outres en pièces. Et Moab sera honteuse à cause de Shemo, comme la maison d'Israël est devenue honteuse à cause de Bethel, qui était sa confiance. Comment dites-vous, nous sommes forts et vaillants dans le combat? Moab va être saccagé, et chacune de ses villes s'en va en fumée, et l'élite de ses jeunes gens va descendre pour être égorgée, dit le roi dont le nom est l'Éternel des armées. La calamité de Moab est proche, et sa ruine s'avance à grands pas. Vous tous qui êtes autour de lui, soyez-en émus à compassion, et vous tous qui connaissez son nom, dites, comment a été rompue cette forte verge, et ce sceptre d'honneur? Toi qui te tiens chez la fille de Dibon, descends de ta gloire, et t'assieds dans un lieu de sécheresse, car celui qui a saccagé Moab, est monté contre toi, et a détruit tes forteresses. Habitante d'Aroé, tiens-toi sur le chemin, et contemple, interroge celui qui s'enfuit, et celle qui est échappée, et dis, qu'est-il arrivé? Moab est rendu honteux, car il a été mis en pièces. Hurlez et criez, rapportez dans Arnon, que Moab a été saccagé, et que le jugement est venu sur le plat pays, sur Olon, et sur Jatsar, et sur Mephah, et sur Dibon, et sur Nebo, et sur Bedibla-Tajim, et sur Kirjat-Tajim, et sur Bet-Gamul, et sur Bet-Méon, et sur Kerijot, et sur Botsra, et sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab a été rompue, et son bras a été cassé, dit l'Éternel. Et Nibril, car il s'est élevé contre l'Éternel. Moab se vautrera dans le vin qu'il aura rendu, et il deviendra aussi un sujet de moquerie. Car, ô Moab, Israël ne t'a-t-il pas été en dérision, comme un homme qui aurait été surpris entre les larrons? Chaque fois que tu as parlé de lui, tu en as tressailli de joie. Habitants de Moab, quittez les villes, et demeurez dans les rochers, et soyez comme le pigeon qui fait son nid aux côtés de l'entrée des cavernes. Nous avons appris l'orgueil de Moab le très superbe, son arrogance et son orgueil, et sa fierté, et son cœur altier. J'ai connu sa fureur, dit l'Éternel, mais il n'en sera pas ainsi, j'ai connu ceux sur lesquels il s'appuie, ils n'ont rien fait de droit. Je hurlerai donc à cause de Moab, même je crierai à cause de Moab tout entier, on gémira sur ceux de Kéréré. Au vignoble de Sibma, je pleurerai sur toi du pleur de Jazé, tes provinces ont passé au-delà de la mer, ils ont atteint jusqu'à la mer de Jazé, celui qui fait le dégât, s'est jeté sur tes fruits d'été, et sur ta vendange. L'allégresse aussi, et la gaieté s'est retirée loin du champ fertile, et du pays de Moab, et j'ai fait cesser le vin des cuves, on n'y foulera plus en chantant, et la chanson de la vendange n'y sera plus chantée. À cause du cri d'Hezbon qui est parvenu jusqu'à El Alé, ils ont jeté leur cri jusqu'à Jaha, même depuis Tsoar jusqu'à Oronajim, comme une génisse de 3 ans, car aussi les eaux de Narim seront réduites en désolation. Et je ferai qu'il n'y aura plus en Moab, dit l'Éternel, aucun qui offre sur les hauts lieux, ni aucun qui fasse des encensements à ses dieux. C'est pourquoi mon cœur mènera un bruit sur Moab comme des flûtes, mon cœur mènera un bruit comme des flûtes sur ceux de Kiréré, parce que toute l'abondance de ce qu'il a acquis est périe. Car toute tête sera chauve, et toute barbe sera rasée, et il y aura des incisions sur toutes les mains, et le sac sera sur les reins. Il y aura des lamentations sur tous les toits de Moab, et dans ses places, parce que j'aurai brisé Moab, comme un vaisseau auquel on ne prend nul plaisir, dit l'Éternel. Hurlez, en disant, comment a-t-il été mis en pièces? Comment Moab a-t-il tourné le dos tout honteux? Car Moab sera un objet de moquerie et de frayeur à tous ceux qui sont autour de lui. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, il volera comme un aigle, et il étendra ses ailes sur Moab. Kerijot a été prise, et on s'est saisi des forteresses, et le cœur des hommes forts de Moab, sera en ce jour-là comme le cœur d'une femme qui est en travail. Et Moab sera exterminé, tellement qu'il ne sera plus peuple, parce qu'il s'était élevé contre l'Éternel. Habitant de Moab, la frayeur, la fosse et le lac sont sur toi, dit l'Éternel. Celui qui s'enfuira à cause de la frayeur, tombera dans la fosse, et celui qui remontera de la fosse, sera pris au lac, car je ferai venir sur lui, c'est à savoir, sur Moab, l'année de leur punition, dit l'Éternel. Ils se sont arrêtés en l'ombre d'Hezbon, voulant éviter la force, mais le feu est sorti d'Hezbon, et la flamme du milieu de Sion, qui dévorera un canton de Moab, et le sommet de la tête des gens bruyants. Malheur à toi, Moab, le peuple de Shemo est perdu, car tes fils ont été enlevés pour être emmenés captifs, et tes filles pour être emmenées captives. Toutefois je ramènerai et mettrai en repos les captifs de Moab, au dernier jour, dit l'Éternel. Jusqu'ici est le jugement de Moab.